Ringu na palcach, to chuj się nie gramy, po budziach do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest qu'un nouveau, consacré aujourd'hui et pour la troisième fois, il me semble, au fameux label russe Black Square. Salut Souris. Salut Mickey et salut à toutes et à tous. Alors, tu t'es encore une fois plongé dans les compilations du label pour nous préparer cette petite playlist, c'est ça ? Ouais, alors ils ont fait, oui, il y a donc ils sortent là une pléthore de compilations de groupes qui se positionnent très très clairement contre l'agression russe en Ukraine, n'est-ce pas, et contre le régime de Poutine par la même occasion. Inutile de dire que ça fout tout le monde dans des situations extrêmement risquées. Il y en a plein qui ont déjà fini en prison, bah, dont d'ailleurs le chanteur de Crispy Newspaper, hein, de Yakuti, qui a mystérieux, qui a été kidnappé en fait, voilà, tout bêtement, puisqu'il avait réussi quand même à fuir au Kazakhstan, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'était ça. Ouais, ils l'ont quand même, ils sont quand même allés le chercher là-bas, hein, voilà quoi. Donc bon bah super cool et puis bah plein d'autres personnes qui se sont exilées comme ils ont pu quoi. Voilà, donc c'est super. Et en plus, clairement, c'est pas prêt de s'arranger là bientôt. Donc, même si on n'en parle plus trop d'ailleurs. Mais ouais, Ouais. voilà. Donc, les gens, si vous voulez soutenir aussi bien les opposants à la dictature poutiniste que l'Ukraine, je vous recommande d'aller sur Bandcamp et juste dans le moteur de recherche de Bandcamp, vous tapez Black Square et vous allez tomber dessus, c'est très simple. Donc voilà, soutenez, achetez les compiles et les groupes qui sortent. Hein, il n'y a pas que des compiles, il y a aussi des groupes qu'ils ont produits, quoi. Voilà. Donc, histoire de soutenir et se faire plaisir en même temps. Tout à fait. On va commencer à Saint-Pétersbourg avec Lodo. Ouais, un groupe féminin, punk, post-punk. D'ailleurs, ouais, cette petite sélection-là, il y a pas mal de groupes féminins ou de chants féminins, ce qui change et ça fait du bien. Et aussi un petit peu d'influence métal, vous allez voir, mais tout va bien se passer. J'espère. Parce que je rappelle déjà que la dernière fois, tu nous as mis Rammstein. Non, ça n'est pas vrai. Hein, ça n'est pas vrai. Il y en a qui ont tourné dans Rammstein après, là, qui ont fini dans Rammstein, qui ont formé ça. Mais à l'époque, ils étaient loin de devenir. Ils étaient loin d'être ce truc tout pourri. Tu Donc, bref. tournes mal. Ah oui, hein, ben, c'est exactement ce que tu dis. Hein, on peut bien commencer et mal finir. Comment est-ce ce morceau? Oui, alors en revenons-en à nos moutons, donc le groupe Lono de Saint-Pétersbourg, qui je ne sais pas s'ils y sont encore, mais bon bref. Donc le numéro, Lolo, qu'est-ce que je raconte? Le titre qu'on va vous jouer, c'est Ya obiazatielno bijivu, qui veut dire je survivrai certainement. Открываю глаза на последние новости. Знать не хочу, кто сегодня погиб. Руки ментов крошат жизни, как лопасти. Заглушаю шумными танцами скрип. Я обязательно выживу в этой жаре. Я обязательно выживу в этой жаре внутри и снаружи. Выходом. страхами, страх набежит. C'était Lono avec Ya Obiazatielo Viginou. Et Vigez-vous. On. Pardon? Vigez-vous. Vigez-vous, pardon. Et on va rester à Saint-Pétersbourg avec Anne Kilim. Ouais, un groupe de 97, un truc vraiment spécial parce que c'est un groupe apparemment qui a vraiment fait plein de styles différents, avec des instruments tradis comme des styles expérimentaux machin blabla, mais bon là le morceau c'est rien qui va nous faire un peu trop bizarre, comme je vous ai dit tout va bien se passer. J'ai pas mis de l'expérimental ou truc comme ça, en plus c'est vraiment pas mon truc j'avoue l'expérimental. Donc là le morceau qu'on va jouer c'est Pod Znakom Voplosa, qui veut dire sous le point d'interrogation. C'était Ankilim avec Pod Znakom Voprosa. Et on va poursuivre avec Fast Aggressive. Ouais, malheureusement, j'ai pas trouvé d'infos sur le groupe en question. Vraiment rien. J'ai cherché, mais pas moyen. Donc voilà, désolé. Et le morceau qu'on va jouer, c'est Rob Corey. Alors la traduction, ça serait journaliste de travail, journaliste sur le. Ouais, voilà, comme on disait, des fois les traductions, c'est un peu difficile. Donc ouais, c'est un peu journaliste de travail, je sais pas trop. Reporter de travail, c'était un peu. Ouais, bon. Bon, on va dire journaliste. En français, en tout cas, ça donne ça comme la traduction que moi j'ai obtenue. Et je pense qu'il y a quelque chose certainement de plus approprié, mais bon. Bon. Люди пишут, которые лозут, которые песенки в упор, стратеги в коре. C'était Fast Aggressive avec Rab Corey. Et maintenant, le prochain morceau, c'est un groupe qui s'appelle Beautiful. Ouais, et pareil, pas trouvé d'infos sur le groupe. Tout ce que j'ai trouvé, même en mettant, tu vois, Russie, machin, plein, avec l'alphabet cyrillique, machin. Ouais. Tombé sur un groupe, mais c'était pas le bon. Et donc, bon, bah voilà. Donc, du coup, on n'en saura malheureusement pas plus sur le groupe en question. Le morceau qu'on va jouer s'appelle Nieso Glacive, qui veut dire désaccord. C'était Beautiful avec le morceau Nieso Glacie. Et on va aller maintenant du côté de Saint-Pétersbourg, encore une fois, avec Jesus Sister. Ouais, alors le nom est quand même tellement spécial qu'il me semble qu'on en a déjà passé un morceau. Ça me dit quelque chose. Ouais, il y a de ça un sacré bout de temps. Mais oui, on en avait déjà passé du Jesus Sister. Et du coup, un petit truc qu'on va jouer, c'est Dvigenie, qui veut dire mouvement. We'll be right back. C'était Jesus Sisters avec Dvijinje, le mouvement. Et on va aller chez Yakout. Exact. Donc là aussi d'où vient d'où venait maintenant. Je ne sais pas si on reverra un jour vivant le chanteur de Crispy Newspaper, n'est-ce pas? Ouais, donc de Yakoutsk, le groupe Katyni Sleski avec le titre Symphonia Chernihlo Chadiyeh, qui veut dire la symphonie des chevaux noirs. C'était les Yakouts de Katyni Sleski avec le morceau Symphonia Tchernik Lo Chadie. C'est ça? C'est ça. Ouais. Allez, on va retourner dans l'ouest de la Russie, à Nijni Novgorod. Ouais, la même ville d'où provenait Criminal State. Je dis provenait parce que bah, ils ont dû fuir eux aussi la Russie, n'est-ce pas? Ah oui, c'est la ville dans la banlieue de Moscou, à 400 km. Je me Voilà. souviens, on avait parlé. C'est ça. Banlieue proche. Voilà. Ouais, donc Cyanide, et le titre c'est Imperski Oubliodok, qui veut dire bâtard impérial. Avec des noms comme ça, et forcément, il va y avoir des problèmes. Bah, ils cherchent, hein. Ah, ils cherchent, désolé. Mais ils ont bien raison qu'ils ouvrent, enfin, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui continuent à l'ouvrir, quoi. Oui, c'est con. Yeah. C'était Cyanide avec Imperski Oblyudok. Et allez, on s'était rapproché de Moscou, on y est complètement avec Convice. Ouais, Convince, un groupe, attention, attention, je pense que c'est la première fois qu'on en joue. C'est du 10 bits hardcore Oh de putain. Moscou. Ah, j'avais peur, hein. Ouais. Et le morceau, c'est 1984. Et voilà pour Convince avec 1984. Et un groupe qu'on a déjà joué pour poursuivre cette émission, c'est Acid Vicious. Ouais, Acid Vicious et leur pochette magnifique, n'est-ce pas? Aïe. Ils ont fait une. À ceux qui iront donc sur le Bandcamp de Black Square, vous verrez la pochette de l'album de Acid Vicious et je suis sûre que ça vous fera bien marrer. Donc voilà, je laisse le suspense, comme ça vous motivera peut-être à aller regarder. Et du coup, le titre qu'on va jouer, c'est Takaya Eta Voina. Alors, le fameux mot Voina, qu'on retrouve tellement, tellement souvent en russe et en ukrainien, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire c'est cette guerre. C'était Acid Vicious avec Takaya Eta Voina. Et on finit l'émission là où on l'avait commencé, à Saint-Pétersbourg avec Comatose. Ouais, comatose, et alors un titre en anglais qui reste dans le sujet, War. Wow. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à toi, Souris, de la préparation et de la co-animation de cet épisode. Oh, bah écoute, je t'en prie. Et comme j'ai dit, les gens, là, bougez-vous, allez sur Bandcamp et puis claquez un peu de thunes sur le label Black Square. Allez, hop. Schnell. Et que ça saute. En tout cas, merci d'avoir écouté et restez à l'écoute de Droogizarga Radio, car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut. Salut.